Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour cette émission spéciale sur notre antenne, émission spéciale consacrée au Verger Thiokamp. Deux événements, une journée complète, deux événements parce que le Verger Thiokamp marque ses 30 ans d'existence. Et le Verger Thiokamp qui organise ce dimanche 7 octobre sa fête de la pomme comme chaque année. Dans nos studios, on a deux invités, le président Pierre Guillet et son vice-président, l'un de ses vice-présidents, Philippe Régnier. Merci d'être là, d'avoir fait le déplacement du Verger Thiokamp jusqu'à chez nous. Vous êtes en plein boulot et en l'occurrence, vous avez quand même pris le temps de venir à la radio pour parler de ce que vous allez faire ce dimanche 7 octobre. Mais d'abord, l'accueil de mon président et ami Guy Catelan. Merci Robert, merci à toutes et à tous d'être à l'écoute de Sorgia FM. Merci à vous, monsieur Guillet, de bien prendre du temps, hein, malgré ses occupations qui sont intenses en ce moment. Et puis à Philippe Régnier aussi, le vice-président. Quelques mots. Dans ce monde que l'on cherche à protéger coûte que coûte, bien que les efforts ne semblent pas toujours efficaces, il est bon de constater qu'il existe encore des personnes qui s'emploient à préserver le bien que nos anciens nous ont transmis. Là, il s'agit d'arbres, c'est vrai, fruitiers qui en plus est, que votre association, le Verger Thiokamp, s'emploie à sauvegarder coûte que coûte, également avec une volonté sans faille. Force est de constater que c'est par de bonne volonté que l'on peut encore sauver notre agriculture, si cela en était une. Mais ça fait partie de l'agriculture, indispensable pour notre vie sur cette terre. Et vous en apportez la preuve aujourd'hui avec votre association qui va fêter ses 30 ans d'existence. Hein, c'est pas rien. Nous sommes heureux donc à Sorgia FM de pouvoir vous donner la parole pour nous parler de cet anniversaire dont nous vous souhaitons d'ores et déjà une pleine réussite. Comme l'a dit Robert, 30 ans et en plus dimanche, donc demain, eh bien ça va être la grande fête. Ouh là là, qu'est-ce que ça va être bien. Qu'est-ce que ça va être bien. Merci Président, merci de nous accueillir Philippe et moi. Nous sommes heureux, non, de promouvoir notre association qui a 30 ans donc d'existence, puisque en 1988, l'association sur la commune de Poron a installé d'arbres, 400 arbres, qui sont principalement des pommiers, quelques poiriers, une centaine de poiriers et une cinquantaine de pruniers. Voilà, ça c'est notre but. Mais qu'est-ce qu'elle fait, notre association? C'est la sauvegarde des variétés anciennes du Pays de Gex, du bassin belgardien et de la Valsorine. Voilà, ça c'est... Donc c'est une tradition qui remonte à 1950, quand il y en a qui ont vu que l'urbaniste était en train de gagner tout doucement, le CERN qui s'installait, tout ça. Et ces pionniers ont pensé qu'il fallait sauvegarder les variétés anciennes que nos anciens cultivaient avec amour. Et cette association donc a pris corps surtout en 1988 par un petit verger qui était installé à côté du cimetière de Poron. Le terrain appartenait à la commune de Poron et il y avait une petite cabane qui servait de pour mettre les outils, tout ça. Et ils ont commencé là-bas. Moi, je n'étais pas encore dans cette association puisque j'avais d'autres choses à faire. Et les pionniers s'appelaient... c'était un arboriculteur qui était à Moins, qui s'appelait Gérard Wiesmann, qui était un professionnel. Il y avait M. Marchand, qui maintenant est en Haute-Savoie. Il y avait d'autres personnes qui, malheureusement, ne sont plus là maintenant. Et ceux-là ont réfléchi et ont dit qu'il faut sauvegarder sous ces variétés. Donc, ils ont monté cette association. Ils ont planté des arbres. Ils ont planté des arbres en récupérant les greffons dans des vergers qui étaient en train de se... Dépérir, Pas de dépérir, mais qui étaient en train de se détruire pour l'urbanisation. Ça a pris de l'essor. En 1988... C'était trop petit. La commune de Poron a redonné un terrain qui maintenant est sur le hameau de Grony. Et ce terrain fait 2,5 hectares. Il appartient à la commune de Poron. Nous avons un bail de 99 ans, ce qu'on appelle un bail amphithéotique. Amphithéotique, voilà, c'est ça. Merci, ouais. Je cherchais le mot, amphithéotique. Et nous avons créé dessus des bâtiments, des beaux bâtiments. Nous avons créé des... Il y a eu 400 arbres de plantés ici, sur 140 variétés de pommiers, comment dirais-je, répertoriés. Hein. Alors, 400 arbres, ça veut dire qu'il y avait un nain et un plein vent, pour voir les différences. Et on s'est dit, à l'époque, ils vont bien développer, les nains, les grands. Les nains, on les enlèvera. Ben, ils sont toujours là. Ils sont très beaux. C'est parti, Pierre, d'une bande de copains, en se disant, il y a quelque chose à faire. Est-ce que c'est parti de là? Parce qu'en l'espace de 30 ans, les choses ont bougé, bien sûr. Oui, 400 arbres, mince, c'est pas neutre. C'est parti d'une bande de copains en disant on va faire ce qu'on peut, quelques arbres, et puis... Je ne sais pas si c'était que des copains, mais c'était des gens qui étaient conscients qu'il fallait sauvegarder ces variétés. Il fallait faire quelque chose. Ça. Donc c'est devenu un verger conservatoire, comme il y a à Treffort-Cuisia. Mais Treffort-Cuisia, ça dépend du département. Hein. Nous sommes autonomes. Nous sommes une association, loi 1901. Et... Nous tournons sur nos propres biens. De temps en temps, quand on peut avoir une subvention, on est content. Mais autrement, nous avons une certaine autonomie, quoi. Voilà. Vous vendez vos produits ? Alors, nos produits sont vendus sur le verger. Comme nous sommes une association loi 1901, on a respecté la concurrence professionnelle autour de nous. Bien sûr. Hein, donc, nous vendons, comme pour dimanche à la fête du 7 octobre, nous vendons nos pommes, nous vendons notre jus de pomme stérilisé, pressé, enfin pasteurisé, et nous vendons le jus de pomme qui est pressé le jour de la fête. D'accord. À titre d'exemple, l'année passée, on a eu quand même 2000 visiteurs et on a vendu 1000 litres de jus de pomme pressé le jour même, qui est du jus qui se conserve 2-3 jours, et nous avons vendu 800 bouteilles de jus de pomme stérilisé qui avait été fait à l'avance. Et 1500 kilos de pommes. Les gens faisaient la queue, puis à midi, il n'y avait plus de pommes. Alors cette année, nous en avons un peu plus, et on espère qu'on va contenter tout le monde. Mais il y aura tout le monde. Il y aura bien sûr beaucoup plus de monde, puisque vous êtes là ce matin, et effectivement, il y a à l'écoute du 91 et du 102.5, vous allez voir l'affluence que vous allez avoir. Ben, nous l'espérons, parce que nous voulons réussir une belle fête, surtout pour marquer ces 30 ans. Mmh. En respect des anciens qui ont créé ça, il y en a quelques-uns qui seront là dimanche à l'apéritif pour... nous rappeler un petit peu que ceux qui nous ont précédés. Bien sûr, à l'apéritif, on a invité pas mal d'élus, on verra lesquels vont venir, mais il y en a beaucoup qui nous aident et qui nous soutiennent et tout ça, et qui viennent souvent nous rencontrer et nous soutenir. Voilà. Alors, ça ne doit pas être évident, parce que quand il faut s'occuper de 400 arbres, quand c'est le moment de la taille, quand c'est le moment, de sulfater un petit coup sur ses fruits et sur ses feuilles, voire quelquefois badigeonner pour que les maladies ne s'y mettent pas, gratter la mousse, si mousse il y a, ça fait du boulot. Comment vous faites ? Alors là, nous avons quand même une bonne équipe de bénévoles. Bon, au conseil d'administration, nous sommes 15 personnes qui dirigeons tout ça, mais comme dimanche, à la fête de la pomme, il y a déjà 45 bénévoles qui vont nous aider. Monter les chapiteaux, servir les repas, vendre les pommes et tout. Donc, en dehors de nous, il y a déjà 30 personnes qui viennent. Qui viennent là bénévolement. Ces gens-là viennent nous aider régulièrement. Nous organisons tous les samedis de chaque fin de mois, le samedi matin, une journée, ce qu'on appelle la journée bénévole. Et là, les gens viennent travailler. Et des fois, il y a 20 personnes, des fois, il y a 15 personnes. Tout dépend les disponibilités des gens. Et comme je le dis toujours, chacun peut venir nous aider, mais chacun fait comme il le peut aussi. Hein. Bien sûr. Mais je trouve qu'il y a une très bonne ambiance, qu'il y a une très bonne camaraderie. Et c'est ce qui me fait chaud au cœur. C'est une école de la vie, en définitive. C'est une école de la vie, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on rencontre des gens qui aiment la nature. Oui. Qui aiment la biodiversité, parce qu'il faut savoir, vous parliez tout à l'heure de traitement, oui. Mais nous sommes entièrement écologiques. Hein. Oui. C'est du bio. Dit écologiste, mais oui, écologique. Oui. C'est pas pareil. C'est du bio ou pas ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est du bio ? Oui, mais nous n'avons pas le label bio. Ouais, vous n'avez pas le label, je ne peux considérer pas ce que nous l'ayons. D'accord. Pourquoi, Pierre ? Parce que... Si c'est contraignant, c'est... Non, et puis, c'est quelque chose que je n'aime pas, parce que... souvent, c'est le bio, ce qu'on appelle, c'est très commercial et très surfait. Nous sommes des défenseurs et du respect de la nature. Voilà. Pour moi, c'est le respect de la nature et on peut le respecter sans faire du bio. on ne traite pas. Si, on traite avec des produits naturels, hein, des produits comme le purin d'ortie, le colza, le purin d'ortie. Voilà. Et puis nous mettons aussi au printemps pour éviter des vols de Carpocaps. C'est un insecte qui vient piquer la pomme. Il y a des vols au mois de mai. Et nous mettons des petites phéromones. On appelle ça les phéromones. C'est ce qu'on appelle la confusion sexuelle. Et alors, vous expliquez scientifiquement comment ça se passe. Je ne suis pas assez compétent pour vous en parler. Mais ces petites bandes qui, en somme, c'est un produit qui éloigne, qui attire plutôt, pas qui éloigne le mâle. Et au lieu d'aller voir la femelle, eh ben, il vient sur ses... Il vient là-dessus. Et il fait ses besoins là-dessus. Il se débrouille, mais il croit que c'est la femelle. Donc, c'est ce qu'on appelle la confusion sexuelle. Alors ça, jusqu'à maintenant, ça a bien marché. Cette année, ça a été plus difficile. Je pense qu'on a loupé un petit peu les vols. Il y a eu 3 vols, alors que d'habitude, il n'y en avait qu'un. Cette année, il y en a eu 3. Et on est prévenu par une station qui est en Haute-Savoie, par des arboriculteurs qui sont du côté de Vulbens, tout ça. Je suis en contact avec un arboriculteur qui, lui, est prévenu par la station de la station de Chambéry, je crois, et qui leur dit, voilà, attention, les vols et tout. Mais comment ils peuvent déterminer ces vols, en fait? Alors là, c'est plus scientifique. Oui, d'accord, vous ne savez pas, non. Je ne peux pas vous le dire. D'accord. Je ne suis pas assez compétent. Mais nous, on met les phéromones avant la fin du mois de mai, parce que les vols se font surtout début juin. Donc, on met les phéromones, on en met 2 par arbre. Pour, c'est des petites plaquettes. C'est des petites plaquettes qui sont induites, qui ont un produit dedans, qui représente un peu la femelle, donc, disons, qui attire le mâle. Et ce qu'il faudrait faire, mais nous, on n'aime pas trop traiter, il faudrait, quand les vols sont annoncés, traiter l'arbre. Mais on veut rester très écologique. Et on ne traite pas. Cette année, on n'a pas traité. Est-ce qu'on devrait le faire? Il faudra qu'on voit ça avec des produits naturels. Mais les produits naturels ne sont pas assez puissants comme le font les professionnels qui, eux, en vivent. Nous, on est un verger de sauvegarde. Tout ce qu'on vend, on est content. Mais nous, on veut sauvegarder les variétés anciennes du Pays de Gex, du bassin belgardien et la Valsoire. Mais Pierre, un arbre qui est malade, s'il faut le traiter avec des produits chimiques, vous ne le ferez pas? Non. Non. Non, on est en dehors de tout ça maintenant. On ne peut plus rentrer dans ce jeu-là. Mais c'est extrêmement fragile, non? Mais bien sûr que c'est fragile. Moi, je suis un néophyte hein, dans ce milieu-là. Il faut savoir que quand on a des chenilles sur les arbres, comme il y a eu cette année, il y a des dames qui prennent des gants et qui enlèvent toutes les chenilles, qui les mettent dans un sac. On est quand 400 arbres. Et qui les brûlent. Ah ouais, ça m'étonne. Donc, c'est ce qu'on appelle le travail des bénévoles qui viennent le samedi. Et il faut voir, elles ont fait du boulot. On veut rester propre. Voilà. On a pris cet engagement. Ce n'est pas une survie pour nous de ne pas vendre des pommes. Hein. Nous, on est là pour sauvegarder les variétés. On est un verger conservatoire. J'ai visité le verger conservatoire de Treffort-Cuisia il y a quelques temps. À côté de chez nous, c'est la misère là-bas. Hein. Parce que non plus, ils ne veulent pas traiter, mais je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais ce n'est pas beau. Hein. Ah. Donc, je ne veux pas faire de la... Oui. Je ne veux pas une critique pour ce verger. Mais c'est un constat. On essaie de travailler intelligemment et surtout proprement. Voilà, ça, c'est très important pour nous. Vous voyez, par exemple, vous prenez glyphosate dont on parle tous maintenant. Il y a quelques années en arrière, moi, je peux vous le dire, on a un chemin de découverte hein, dans le verger où il y a des bornes, où c'est marqué qu'est-ce que c'est qu'une pomme, tout ça. C'est un chemin de découverte pour les enfants et puis pour les adultes aussi. Ce chemin de découverte, avant, on passait du glyphosate pour qu'il soit propre. Cette année, il s'est tout enherbé, bien sûr. Eh bien, on a pris une entreprise qui nous a tout nettoyé. Ça nous a coûté X francs. Mais on préfère faire ça. On veut rester maintenant en dehors de tout ce qui est pesticides et tout. Oui. C'est un choix, mais c'est fragile, non? C'est fragile, mais quand on... Vous savez, quand on fait le bilan, on est fier de nous. Parce que vous avez vu tout ce qui se passe avec le glyphosate. Moi, je suis mal placé pour en parler parce que j'ai traité dans ma vie professionnelle, puisque j'étais fleuriste, je traitais les produits. Donc maintenant, je cultive mon jardin sans produits. Et je vous garantis que je n'ai pas de maladie. Quand on veut, on peut y arriver. Et vous avez vu, maintenant, les agriculteurs, ils font attention. On a tellement vu les dégâts de ces produits, je ne veux pas citer de quelle entreprise, mais... Moi, je suis fier de ce que nous faisons au Verger de Thiocamp. Hein. Voilà. Alors, moi, on m'a toujours dit, on va dire, des, certains experts, que le sulfate de cuivre était employé en bio. Oui. Donc, ça veut dire que le sulfate de cuivre, ce n'est pas quelque chose d'agressif. Non, mais le sulfate de cuivre, nous, on l'en prend, mais on le mélange avec du colza, vous voyez. D'accord. On ne met pas pur. Et le sulfate de cuivre se passe en fin d'hiver. Oui, hein, oui. Et on en a passé une fois cette année, oui. Alors que les maisons, les entreprises qui sont professionnelles, hein, ceux qui vivent de la pomme, oui, oui, bien sûr, des fruitiers, eux, ils sont obligés d'en passer au moins une dizaine de fois pour avoir un produit. Ouais, pour avoir quelque chose qui tienne. Nous, on n'est pas obligés d'avoir un produit grande surface. Hein. Ouais, nous, ouais, ça ne nous intéresse pas. Ouais, ouais. Mais on aime bien avoir des jolies pommes. On en a des très belles, hein, cette année. Ouais. On en a des très belles. Bon, malheureusement, elles sont beaucoup tombées à cause de la sécheresse. Hein. Mais ça, c'est indépendant de notre volonté. C'est la question. Voilà. Vent, mais le vent, mais surtout la sécheresse et puis l'insecte qui a quand même piqué. Une pomme qui est touchée, elle tombe. Oui, parce que moi, enfin, j'ai quelques pommiers dans mon verger, on va dire. Et c'est vrai que cette année, j'en ai plus ramassé par terre que je n'en ai ramassé sur l'arbre. Ce n'est pas dû qu'au vent, Philippe. C'est surtout dû à la sécheresse. C'est vrai que c'est sec. Alors, ce qu'il faudrait, les vergers de professionnels, quoi, j'entends. Mm-hmm. Eux, ils ont le goutte à goutte. Oui, ils ont l'arrosage automatique. Oui, bien sûr. Bon, nous, on a le goutte à goutte pour nos pépinières. Parce qu'on a une pépinière où on a 600 arbres, où on fait du renouvellement de. Quand une commune nous appelle, nous dit voilà, il va y avoir un lotissement ici, on récupère vite les greffons qui sont dans le verger, vous voyez. Ah, oui. Dans leur verger. Oui, nous, c'est notre travail, ça. Hein. On travaille beaucoup avec toutes les communes, surtout du Pays de Gex. On a travaillé avec Lancran il n'y a pas longtemps, vous voyez, qui est. Je ne sais pas si elle est du Pays de Gex ou de Bellegarde, mais enfin, on leur a vendu des arbres et puis en même temps, on récupère des greffons, vous voyez. On travaille avec toutes les communes et ce n'est pas comme font les Savoyards les croqueurs de pommes. Hein. Vous connaissez les croqueurs de pommes. C'est une entité nationale. Hein. Donc dans toutes les communes de France, il y a des croqueurs de pommes. Mais les croqueurs de pommes, eux, ils travaillent par village, vous voyez. Nous, on travaille chez nous. Avec les communes. Pourquoi vous les appelez les croqueurs de pommes? C'est une appellation comme on a. Ils s'appellent comme ça. Ah oui. Ah ben vous pouvez. Les croqueurs de pommes, c'est connu. C'est une association. Ben moi, je découvre là. C'est national. C'est national. Hein. Je découvre. Et en Haute-Savoie, on travaille beaucoup avec eux, nous. Hein. On va à leur assemblée générale, ils viennent à la nôtre. On travaille beaucoup. On va à leur manifestation, ils viennent. Mais ils font la même chose que vous, en gros? Ils font la même chose que nous. Sauf que ils travaillent commune par commune. D'accord. C'est dans le département de Haute-Savoie. Ils vont aussi bien dans le Chablais qu'ils vont dans... D'accord, les croqueurs. Voilà. Les croqueurs de pommes. Ah oui, c'est une association nationale. Nous, on est indépendants. Et ça, on est fiers de l'être. Et vous y tenez. Et oui, on y tient, parce que ça a été créé comme ça. Moi, je respecte les anciens qui ont démarré ce verger. Et on essaye de faire honneur à ce qu'ils ont entrepris, quoi. Ça se transmet bien parce que vous avez quand même des gens qui viennent régulièrement le samedi. Oui. Ils viennent pour vous filer un coup de main. Et puis on a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas venir nous aider parce que malheureusement, heureusement pour eux, je veux dire, ils travaillent. Mais le samedi, il y a des jeunes qui viennent. Il y a un jeune couple qui est venu dernièrement là, pour la journée du patrimoine qui m'a dit : mais nous, on peut venir vous aider, vous savez. Mais je lui ai dit : avec plaisir. Alors, il est venu l'autre jour, il a ramassé des pommes. Alors, dans la disponibilité de son temps, vous voyez, moi, je trouve que c'est formidable. Ah ben c'est bien qu'il y ait des jeunes. Qui a quoi, même pas 40 ans. Il habite à Chalais, donc il n'est pas loin. Il a dit, on arrive de je ne sais pas où, et puis on aime bien les pommes. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, beaucoup. Pour la journée patrimoine, on a eu une centaine de visites, beaucoup de couples. Beaucoup, hein, Philippe, tu y étais le dimanche, moi, j'y étais le samedi. Et j'ai rencontré beaucoup de couples qui s'intéressent à la nature. Les jeunes, ils veulent revenir vers la nature. Oui, mais je crois que c'est un peu normal. Hein. On vit des époques un peu bizarres quand même, hein, avec cette météo qui nous casse les bonbons de temps en temps. C'est pas comme s'habiller. Il fait chaud, il fait froid, il y a le soleil, ça pleut pas. Il pleut pas, pardon. Je veux dire, il y a, c'est vrai que tout est déréglé. Oui, mais je dirais aussi que les jeunes ont besoin de se retrouver, de se ressourcer. Beaucoup de jeunes ils sont issus de l'agriculture, soit par leurs arrière-grands-parents, leurs grands-parents. Il y a des racines. Pour moi, il y a des racines. Et on voit des jeunes qui travaillent dans, dans l'industrie, dans toutes les banques de Suisse ou autre chose, qui viennent nous voir parce qu'ils aiment beaucoup la nature. Ils veulent retrouver la nature. Et vous verrez, dimanche, il y aura beaucoup, beaucoup de jeunes. Alors, dimanche, je reviens à dimanche, oui, à oui. notre fête, oui, oui, si sûr, vous permettez. Bien sûr, bien sûr. Nous aurons une conférence sur la permaculture. Vous savez ce que c'est, la permaculture ? Non. Éclairez-moi. Alors, d'ailleurs, vous êtes là pour ça. La permaculture, bon, ce n'est pas ma tasse de thé à moi, personnellement, parce que je sais faire mon jardin sans ça. Mais la permaculture, c'est une sorte de culture où on laisse pousser n'importe comment, vous voyez. Ah, d'accord. C'est le retour à la nature, à la base. La nature propre. La nature propre. Et on a, j'avais fait appel à Pierre Rabhi, que vous connaissez. Bien sûr, on le voit de temps en temps à la télé. Et Pierre Rabhi m'a répondu qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il a 81 ans maintenant. Mmh. Et puis, je pense que Pierre Rabhi vient surtout pour les grosses manifestations, vous voyez. Mmh. Alors, il m'a conseillé d'aller voir Colibri. Colibri, qui est une association qui est une mouvance de Pierre Rabhi, une philosophie de Pierre Rabhi. Et c'est eux qui vont venir nous donner une conférence sur la permaculture et qui vont faire des ateliers comment on travaille la permaculture, qui vont présenter aux gens comment on présente, en plantant des arbres, en plantant des plantes, des ateliers. Donc les gens pourront s'initier à ce qu'on appelle à la permaculture. Voilà. Ça c'est, et je pense qu'on aura beaucoup de monde, surtout pour ça, vous voyez. C'est pour ça que pour les 30 ans, j'ai voulu qu'il y ait un mouvement de la nature un petit peu. Non, mais je trouve que l'idée est séduisante, oui. Parce qu'en même temps, d'apprendre des choses que l'on apprend là, voilà, en voilà. Ce moment déjà, je trouve déjà que c'est, pour beaucoup de gens, c'est une découverte. Hein. C'est une découverte et puis c'est un besoin. C'est très tendance actuellement la permaculture. C'est très tendance. Ah ouais, mais c'est pas tendance pour les gens de mon âge. Oui, oui, parce que comprends. Moi, il y a longtemps que je sais faire mon jardin et puis que j'aime bien que les lignes soient droites. Moi, oui, moi c'est pareil. Moi, c'est tandis pareil. Que les jeunes, ils n'ont pas le temps. Ouais. Alors, ils plantent tout ça, puis il y a l'herbe un petit peu par-ci, par-là. Ce qu'on appelle des jardins partagés aussi, comme ils ont fait à Saint-Jean-de-Gonville. Il y a une association qui s'est créée et qui a fait un jardin partagé. Alors, on leur a donné deux arbres, ils ont planté deux arbres, et puis ils ont du maïs, ils ont du machin, ils ont du... Moi, ça m'interpelle, mais je respecte. Je respecte parce que c'est une demande, vous voyez, c'est une façon de voir... La nature, de revoir la nature. La permaculture, finalement, c'est faire son jardin sans se fatiguer, c'est ça ? Déjà une. Alors, bien sûr, il n'y a pas de multiculteur. C'est pour ça qu'il n'y a pas... Non, non, ils ont les bêches, ils grattent la terre, et puis... Je ne sais pas, je vais découvrir aussi en même temps que vous, parce que, comme j'ai dit aux conférenciers que j'ai encore vus cette semaine, je lui ai dit, mais... Moi, tu sais, tu ne vas pas me convaincre. Bah oui. Mais ce n'est pas gentil ce que je dis, parce que moi, j'ai toujours fait le jardin, je suis fils de maraîcher, tout ça, je connais ça. Mais eux, les jeunes, ils ont besoin de revenir. C'est un retour aux sources, à mon avis, de la nature. Vous savez, Pierre, là, ce que vous évoquez là, on prend les paysans, les cultures des paysans aujourd'hui. Avant, vous savez, on labourait la terre à 60. Aujourd'hui, on la gratte et puis on sème derrière. Et on sème derrière. Voilà. Eh bien, c'est un petit peu dans cette philosophie. Voilà, oui, oui. C'est parce vrai, que hein. quand on labourait, d'après ce que me disent les paysans, moi je vais pas être. On remonte le froid en haut, on travaille différemment. Oui. Voilà. Oui, oui, oui. Donc dimanche, ceux qui voudront savoir comment on cultive la permaculture, il faut venir au verger Thiocan. Et puis en même temps aussi, parce qu'on voit souvent des articles dans les journaux qui concernent votre activité, surtout celle du greffage. Alors voilà, là on va y arriver. Alors il y a d'abord la taille. La taille. On distribue deux cours de taille, nous. Un le dernier samedi de février et le premier samedi de mars. Le premier, c'est un cours de taille théorique qui est distribué par un ancien professeur de l'école de Lullier qui est à la retraite et qui est un ami qui vient... Lullier, c'est l'école d'horticulture en Suisse. Hein. Ah d'accord. Ah, vous connaissez, oui. C'est une école nationale suisse, c'est une des plus grandes écoles européennes au niveau horticulture. Donc, ils ont toutes les branches là-bas. Les Suisses, vous m'étonnez. Ils n'ont rien en Suisse. Ah, ta. À part le chocolat et les montagnes. L'ancien professeur d'arboriculture, fruitière, vient nous donner un cours de taille en théorie. C'est-à-dire qu'il a des diapositives et puis il nous explique sur le papier comment on fait. Et le samedi d'après, on fait une application sur le terrain. Ça, c'est très important. Parce qu'avant de prendre notre sécateur, il faut savoir ce qu'on doit faire. comment un arbre se présente. Il y a des charpentières, il y a des sous-charpentières, il y a des celles qui sont en hauteur, quoi. Tout ça, faut respecter si on veut avoir un bel arbre. Et une formation, ça passe par là. Donc lui, il nous explique à la base ce qu'on doit faire. Et le samedi d'après, on fait un cours pratique sur le terrain. Pratique. Et ça, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et ça, pour nous, c'est une façon de promouvoir un petit peu la façon de travailler un arbre fruitier, quoi. Et puis, comme vous disiez, il y a le greffage après. Alors, il y a deux sortes de greffes. Il y a la greffe en écusson qui se donne au mois d'avril. La greffe en écusson, c'est-à-dire que le gars qui fait ça, il a un porte-greffe. On fournit les porte-greffes qu'on va chercher chez un fournisseur, un pépiniériste à Annecy, là-bas. Le porte-greffe, il est coupé à mi-hauteur. Et là-dessus, on met deux greffons. Donc, deux greffons qui ont été prélevés au mois de janvier, quand il fait très froid, qui a été gardé dans le froid et qui n'a pas démarré. Pour pas que le greffon soit déjà en activité. En activité. Ah oui, merci. Et la personne qui distribue les cours de greffe explique aux gens comment on fait. Alors donc, il y a une fente, il y a tout ça. Enfin, je ne veux pas vous rentrer dans les détails. Oui. Ce qu'on appelle la greffe en écusson. En écusson. Et puis, au mois d'août, on a une deuxième greffe qui s'appelle la greffe en couronne. Alors, j'ai dit une erreur, excusez-moi. En avril, c'est la greffe en couronne. Merci, Philippe. Et en écusson, c'est beaucoup plus simple. On laisse un porte-greffe monté. Et le long de la tige, on fait une ouverture comme ça. Et on inclut le greffon qu'on vient de prendre tout de suite. Celui-là, il est pris tout de suite sur l'arbre. Vous voyez ? Donc, au mois d'août, oui. Quand la sève commence à redescendre. D'accord. Et au mois d'avril, c'est quand la sève est en monte. Elle montait. Voilà. Donc, la personne qui distribue les cours, qui fait partie de notre association, est beaucoup plus pointue que moi. Mais voilà un peu comme ça se passe. Alors donc, nous avons deux cours de greffe. Donc, les adhérents, parce que nous avons, pour vous le dire aussi, nous avons quand même à peu près 160 adhérents. Qui viennent régulièrement. Qui ne viennent pas tous, non. Mais qui font partie de notre... De l'association. Association, qui sont adhérents, j'ai bien dit, hein, pas bénévoles. Oui. Il y a les bénévoles dedans, bien sûr. Alors, ces adhérents, eux, ils ne payent pas les cours de greffe ni de taille, parce que c'est inclus dans la cotisation. Dans la cotisation, d'accord. Et comme la cotisation est de 20 euros, donc ils ont vite fait de payer puisque le cours de greffe coûte 10 euros. Là, donc on leur dit à chacun, vous n'avez qu'à prendre une cotisation. Et en plus de ça, pour terminer les cotisations et les adhérents, au mois de novembre, au 24 novembre, c'est la Sainte-Catherine. Ouais, et tout prend racine. Et tout prend racine. Et là, on vend des arbres que nous avons greffés 2 ans ou 3 ans avant. Et on a beaucoup de demandes là aussi. Mais nous vendons des arbres qu'aux adhérents. Ça, pour ne pas pénaliser les professionnels autour de nous qui soient... Voilà. Voilà ce que nous faisons au point de vue activité au long de l'année. Il n'y a pas que ça comme activité. Mais ça, c'est une des activités techniques. Voilà, technique. Voire même pratique. C'est de la pratique. Technique pour les greffes. Pour les greffes, oui. Pour la taille aussi, c'est pratique aussi. Et pour les plantations, cette année, nous avons vendu une centaine d'arbres à différents adhérents, à des communes. Alors, certaines communes, on est en partenariat avec elles, elles nous donnent des subventions, on leur fournit les arbres, mais on ne fait pas d'application. Ouais, c'est pas du marchandage. Pas du tout, mais je veux dire par là que nous, on va pas après leur dire, on va vous les tailler, on va faire ci, on va faire ça. Ils ont des services techniques chez eux, et c'est eux qui le font. Nous, on ne sommes pas des prestataires parce qu'on est que des bénévoles et il n'y a pas assez de monde pour tout faire. Autrement, montrer une entreprise, mais enfin, on n'est qu'une association, il faut le savoir. Dimanche, ça va être drôlement bien fait parce que il va y avoir la fête, il va y avoir tout ce que vous avez évoqué là maintenant. Et puis, allez, on va le dire, hein, demain dimanche, vous pouvez aussi aller manger à... Absolument. Parce qu'il y a le boudin aux pommes. Il y a le boudin aux pommes, le repas traditionnel d'un verger. Ah oui. Hein? Alors bien sûr, à côté, il y aura quand même un petit morceau de fromage à la fin, et puis une bonne tarte. Hein? Mais l'année passée, nous avons eu 250 repas, vous voyez. Et cette année, on en prévoit 300. Donc, on compte sur beaucoup de gens qui viennent nous trouver. La condition, c'est quand même qu'il fasse très beau. Froid, éventuellement, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais parce que nous avons tout ce qu'il faut, beau, des chapiteaux qu'il fasse beau. Et tout. Mais même, je veux pas être optimiste. Bon, c'est de ma nature d'être optimiste, mais on n'a jamais eu de mauvais temps. Alors, on compte encore cette année sur ça. Vous allez vendre toutes les pommes que vous allez mettre en cagette, je suppose. Ouais. Oui. C'est l'an dernier, hein, vous avez tout vendu. L'année dernière, on a tout vendu. Mais tous les ans, on vend tout. Parce que les clients, ce qu'on appelle les gens qui viennent, sont très friands de pommes non traitées. C'est fou ce que les gens aiment. Ils viennent. L'année passée, on commence. Donc la fête, elle commence à 10h. La vente commence à 10h. L'année passée, à midi, il n'y avait plus rien. Alors cette année, on aimerait bien que ça dure un peu l'après-midi, parce que ceux qui viennent l'après-midi, ils n'ont plus rien. Ils ont plus rien. Alors cette année, on a un peu plus de pommes que l'année dernière. On a peut-être, je ne sais pas si on aura 1000 kilos de plus quand même, vous voyez. On pourra peut-être satisfaire tout le monde. Et nous, ce qu'on veut, c'est satisfaire tout le monde. Leur vendre du jus pressé, leur vendre du jus stérilisé, et puis leur faire connaître notre verger, surtout. Combien de variétés, Pierre, de pommes vous avez? Alors, 140. 140 140 variétés de pommes. Répertorié, hein. C'est tout répertorié par numéro, par c'est affiché sur l'arbre le nom de la variété et tout. Là, je peux vous dire, par exemple, vous avez entendu parler des rainettes. Les rainettes, oui. J'ai fait une recherche. Chez nous, on a 26 variétés de rainettes. Et je crois que dans le monde des pommes, il y en a 45. Vous avez la reine des rainettes, vous avez la rainette ancienne, vous avez la rainette Bowman, vous avez la rainette d'Angleterre, vous avez la rainette grise, la rainette blanche, la rainette du Mans. C'est fou. Donc, rien que dans les rainettes. Donc, vous voyez, nous, on en a 26, mais on a 140 variétés de répertoriées. Mais dans nos variétés répertoriées, on n'a pas de gala. On n'a pas de... Ah ben oui, mais la gala... Elle vient de... Elle vient d'Amérique ou je sais pas où. On n'a pas de... La belle pomme là, que tout le monde vend, qu'on trouve dans les grandes surfaces. Je ne m'en rappelle pas du nom. Non, ça me revient pas. Oui, je cherche. Ça ne me revient pas non plus. La pomme rouge, hein. Pomme blanche. Ah. Oui, là... Ah, la golden. Merci. Ah, la golden. Merci, Guy. Elle est jaune, hein. Enfin, un peu elle est jaune. Jaune. Oui, quand elle est bien mûre, elle est jaune. Ouais. Moi, j'ai un arbre chez moi, elle est encore blanche. D'accord. Ouais, parce qu'elle n'est pas mûre. Parce qu'elle n'est pas mûre. Mais on n'a pas beaucoup de ces variétés nouvelles que l'on trouve dans les grandes surfaces. Nous, ce sont toutes des variétés anciennes. On a des variétés, alors je vais vous en citer quelques-unes. La transparente blanche, la Gravechten, qui est une variété suisse qui mûrit au mois d'août. Ce qu'on appelle la pomme des moissons. Qu'est-ce qu'il y a encore comme variété? La Jacques Lebel, la Cox Orange. La Cox Orange, c'est une variété de Bourg-en-Bresse. La Rose de Berne. La Rose de Berne, c'est une variété qui est rouge, mais qui est un rouge criard. Elle est magnifique. On en a deux caisses à vendre. Hein. Si vous en voulez, il faut venir le bonheur. Voilà. Faut venir le bonheur. Toutes les variétés anciennes. Voilà. La Boscope, bien entendu. La Boscope, qui est une variété, pour moi, c'est une des... variété de pommes que j'aime beaucoup parce que c'est une belle pomme. Mais il faut savoir que la Boscope, elle fait l'alternance tous les ans. Une année, elle donne. Une année, elle ne donne pas. Elle se repose. Ah, ouais. La Boscope, elle fait l'alternance. Il y a beaucoup de pommes qui font l'alternance. Mais elle, c'est très, très, très, très régulier. Oui. L'idéal, ça serait avoir deux pommiers, les avoir plantés à deux ans de différence. Je connais quelqu'un qui en a deux. Une année, ça donne. Une année, ça ne donne pas. Mais il en a toujours une. Pierre, est-ce que, alors c'est une question peut-être qui va vous paraître bête, vous me direz, il n'y a pas de question bête, parmi toutes ces variétés de pommes, vous pouvez m'assurer qu'elles ont, les pommes, toutes un goût différent? Est-ce que vous connaissez tous les goûts de toutes les pommes qu'il y a dans le verger? C'est une question un peu... Oui, on peut reconnaître une pomme par le goût, oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand on cherche une variété, on a des variétés qui sont indéterminées, ce qu'on appelle... Nous avons une collection de toutes les variétés de pommes, hein, qui vont être présentées donc, pour la fête de la pomme. Les 140 variétés sont répertoriées. Mais il y en a dans ces 140 qui ne sont, on appelle ça, indéterminées. Et on a trois pomologues qui seront là dimanche. Ah, qui vont pouvoir... Et qui vont pouvoir dire aux gens, voilà, celle-ci, on va la... Et il y a beaucoup de gens qui viennent avec un sac, avec trois pommes. Ils disent, j'ai un pommier chez moi, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Alors voilà, en les goûtant. Alors moi, ce matin, on a goûté de la Jacques Lebel, tiens, avec quelqu'un. Elle était magnifique au point de vue succulence et tout. Donc on la reconnaît bien, celle-ci. On reconnaît une Reine des Rainettes. On reconnaît une Nationale, on reconnaît une Boscope, moi je reconnais, mais je ne les reconnais pas toutes. Hein. Oui. Parce qu'il y en a, c'est vrai, on a des variétés qui sont quand même très anciennes. Pour moi, elles ne sont pas très goûteuses, mais elles font partie du patrimoine. Ouais. Elles font partie du patrimoine. Ouais, bien sûr. Alors la meilleure utilisation gastronomique, c'est tel type de pomme pour des compotes, voilà. Tel type de pomme pour les manger fraîches, tel type de pomme... Alors on a plusieurs variétés. Il y a celles que l'on mange crues, qu'on appelle manger au couteau, oui. Qui peuvent se manger. Il y a celles qui sont cuites, pour les compotes, pour les tartes, pour les gelées, tout ça. Et puis, il y a celles du jus. Alors, celles du jus, celles qui ne sont pas très bonnes, on les met au jus, mais on a un très bon jus de pomme derrière. Bon, voilà. Et puis après, il y a les variétés qui se conservent. Les variétés qui sont précoces. Alors, dans les variétés précoces, ben, j'en reviens à la Grabenstein, qui est une variété d'été, vous voyez. Par contre, vous avez des pommes qui sont automnales, qui sont la Jacques Lebel, la Reine des Rainettes, la Rose de Berne, toutes ces variétés que je vous ai citées tout à l'heure. Celles-ci, elles se conservent jusqu'au mois de décembre, vous voyez. Et puis après, il y a celles qu'on appelle les pommes de conservation. Alors là, vous avez la Belle de Boscope, vous avez la Violette aux quatre goûts aussi. Ça, c'est une variété que je recommande. Une variété très ancienne, la Violette aux quatre goûts. Et cette année, on en a beaucoup. Et je suis content parce que les gens réclament tout le temps, mais on en a ramassé des caisses et des caisses. Hein. C'est joli, aux quatre violettes aux quatre goûts. Voilà. Une variété qui est un peu blanche, mais qui est très goûteuse et qui est très bonne. Alors celle-ci, elle se conserve tout l'hiver. Donc les gens, bon, ceux qui vont en acheter dimanche, ils vont pouvoir les conserver dans un cellier, dans une cave, un endroit frais. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la Cusset aussi. La Cusset, c'est une variété très connue. S'il y avait des Lyonnais autour de nous, là, ils pourraient dire que c'est une variété lyonnaise. La Cusset, elle vient de Lyon, vous voyez. Et puis, il y a la Rambourg d'hiver, il y a la Cloche, il y a plein de variétés qui se conservent. Il y a j'en parlais ce matin avec quelqu'un, la Starking. Vous avez entendu parler. C'est très bien, Starking. Une pomme qui est très reconnaissable par sa forme. Ouais. Et puis, elle est un peu rouge, la Starking. Et il y a la Starking rouge et la Starking blanche. Mais enfin, la rouge, elle a une forme très, très à elle, vous voyez. Et ça, c'est une variété qui se conserve tout l'hiver. Vous pouvez la garder jusqu'au mois d'avril. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est important de savoir aussi. Quand les gens achètent un arbre chez nous, ils nous demandent une variété qui va se conserver, une variété qui veut le manger tout de suite, autre chose. On est là pour les conseiller. Vers quoi va plus le public? Vers quoi ils viennent s'approvisionner? Qu'est-ce qu'ils viennent acheter le plus? Plutôt des variétés qui... Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils viennent acheter, mais on les conseille quand même. Ils disent, on voudrait garder des variétés qui se conservent, donc ils ne connaissent pas le nom de la variété. Il y a trois personnes qui leur vendent les pommes, là, comme dimanche, et qui sont quand même connaisseuses, vous voyez. Trois dames, ça c'est trois dames qui s'en occupent. Et je veux une variété qui se conserve, ben prenez celle-ci. Je veux une variété qui se conserve que pour l'hiver, ben prenez celle-là. Voilà. Tandis que des variétés de précoces, on n'en a pas plus guère maintenant, parce qu'elles sont déjà toutes tombées, et puis elles sont passées au jus. Le jus que vous confectionnez, vous le faites sur place? Alors, vous le faites sur place. Quand c'est comme ça à importer, bien évidemment, vous avez un pressoir, je pense, et ça doit y aller. Mais vous faites comment pour garder le jus, en fait, après? Alors, pour faire le jus de pomme, il y a trois étapes. Hein. Il y a déjà le ramassage des pommes par terre. Après, il y a le passage dans un broyeur pour en faire... On nettoie, oui, s'il y a un petit peu de pourri, oui, c'est vrai. Après, elle passe dans un broyeur. On s'est beaucoup équipé ces dernières années d'un broyeur automatique, d'un pressoir automatique et hydraulique. On n'a plus le pressoir maintenant. Oui, qu'on tirait dessus. Oui, celui-là, il est juste pour faire voir aux gens ce que c'était qu'un pressoir. Ouais. Là, vous appuyez sur le bouton maintenant. Maintenant, on appuie sur le bouton. Et il faut bien savoir faire parce qu'il ne faut pas appuyer trop fort non plus. C'est hydraulique. Hein. Ouais. Mais ce qu'on faisait en une journée quand on faisait trois pressés, maintenant on en fait six. Ouais. Et il y a deux gars qui sont là, c'est tout. Ça va beaucoup plus vite. Ouais. Donc, ça permet aussi aux bénévoles de moins se fatiguer. Hein. On essaye maintenant, puisqu'on a des bénévoles qui sont tous à la retraite, hein, finalement. presque tous, de les ménager et puis on a un tracteur, on a des outils quoi, vous voyez. Parce que dans le temps, il fallait tout faire à la main, hein. Bah, oui. Presser les pommes, enlever le pressoir, enlever le tour du pressoir, enlever le mou. C'est-à-dire que maintenant, vous basculez le pressoir, vous faites tomber le mou dans un machin. C'est très, très vite fait. Vous y êtes. Donc voilà. Alors ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, si on veut le conserver, comme vous dites, on le pasteurise. D'accord. Alors donc, maintenant, on avait un système qu'on vient de changer, là, qu'on a changé même samedi dernier, c'est pas vieux. Avant, on avait un truc électrique, chauffante. D'accord. Il y a un nom qui m'échappe, mais enfin, ça n'est pas grave. Qu'on mettait dans la bouteille, qu'on mettait dans une bouteille de 25 litres. D'accord. Et ça chauffait le jus. On le faisait monter, il faut le monter à 78-80 degrés. Quand il est à 80 degrés, en bas de la bouteille, qui est une bouteille de 25 litres, il y a un robinet et on met en bouteille au fur et à mesure. Ah d'accord. Il y a deux personnes, il y a une personne qui met en bouteille avec des gants parce que c'est très c'est chaud, oui, c'est chaud. Et la personne à côté d'elle met tout de suite le bouchon. C'est fermé comme il faut et là vous pouvez le garder pendant 2 ans sans problème. Parce qu'il y a une histoire de fermentation quand même. Non ah non, non, non, du tout, il n'y a pas de fermentation. Il n'y a pas de fermentation. Quand on parle de fermentation, on parle de cidre. De cidre. Mais nous on ne fait pas de cidre. D'accord. Nous, on fait du jus de pomme. Alors, celui que l'on fait sur place comme dimanche, là, les gens l'achètent sur place. Et l'année passée, on a vendu 1000 litres qui ont été tirés et au fur et à mesure qui ont été vendus. Mais tout ce qu'on va vendre cet hiver à des associations, à des communes, aux gens qui viennent en acheter chez nous. Hein. Le particulier peut venir chercher. Le particulier peut venir. Nous, on est ouvert sur demande le samedi. Et là, il est vendu, donc, pasteurisé. Hein. Là, parce que celui qui est fait tout de suite, il se garde 3 jours. Oui, bien sûr. Oui. Tout à l'heure, j'ai trouvé une bouteille dans un frigo qui était resté. Quand je l'ai ouvert, ça a fait... Ça a fait boum. Oui, c'est parti en l'air. Voilà. Donc, il faut... Mais il y a beaucoup de gens qui achètent du jus de pomme pour le boire tout de suite. 3 jours. Voilà. Là, ça, c'est la troisième étape. Voilà. C'est une activité qui vous prend pas mal de temps, cette histoire-là, finalement. Malgré que vous soyez nombreux, j'allais dire. Alors, disons que du mois de juin au mois de... Vous êtes tout le temps sur la brèche, là. Presque tout le temps sur la brèche, oui. Bon, on est plusieurs, on fait des roulements, on fait... Mais celui qui taille les arbres dont vous parliez tout à l'heure, hein, il y a la taille. Lui, il commence au mois de décembre de tailler. Ah oui, bien sûr. Ils sont deux maintenant. Avant, il était tout seul, ils sont deux. Et pour tailler 400 arbres, il faut quand même un certain moment. Hein. Ouais. Et la personne, c'est la personne qui greffe et tout, c'est... Lui, c'est le spécialiste. Il ne veut pas que ce soit quelqu'un d'autre que lui qui l'ait. Il ne veut pas que personne touche à ses arbres. Il ne veut pas donner son savoir. Non, parce que... Aïe, aïe, aïe, c'est pas bien, ça. C'est pas qu'il ne veut pas la donner, oui. Si. Il l'a appris à un gars qui vient maintenant, qui vient lui aider. Mais c'est lui qui décide si on coupe cette branche ou si on ne coupe pas celle-ci. Il a une grande connaissance là-dedans. Oui, ben c'est un spécialiste. Qu'il sera là, c'est un monsieur qui a 69 ans. Donc, il ne sera pas éternel non plus. Alors, il dit, on a bien pensé de me remplacer, mais... J'ai essayé une fois de lui amener une école pour une application, donc l'école de l'huilier. Oh, il m'a dit, tu ne me le ramènes pas cela. Hein. Moi, je veux que ce soit moi qui taille. Mais il faut bien pourtant, Pierre, que ce savoir se transmette, non ? Ben, oui. S'il a un savoir-faire, il ne faut pas qu'il le garde pour lui. Non, mais il ne le gardera pas pour lui. Mais il est en train de le transmettre à un autre en ce moment. Mais il reste quand même le maître. Oui, il reste le maître. Garder. Oui, hein? Alors, je sais, ça se comprend. Moi, je l'y pense beaucoup, à transmettre le pouvoir de savoir tailler, de savoir greffer, de savoir tout ça. Mais il faut quand même trouver des jeunes... Ouais, qui sont motivés déjà. Qui sont motivés et qui sont disponibles. Oui, qui sont disponibles. On avait trouvé un jeune là, qui travaillait à Botanique et qui est venu un petit peu, qui a dit, moi, je sais tailler, j'ai taillé des arbres au Jardin des Plantes à Paris. C'est pas tout à fait pareil, mais enfin... Et on l'a pas revu. Les jeunes, ils bougent. Hein. Oui. Oui. Donc, on y pense. Tout le monde doit passer la main un jour. Hein. Donc, mais vous savez, le jour où il ne pourra plus venir, il y a quelqu'un qui va venir et puis qui va prendre sa place. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein, bien personne n'est irremplaçable. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. Mais bon, des fois, quand on cherche à être remplacé, on ne trouve pas facilement. Hein. Absolument. Pas absolument. Facilement. Donc, voilà. Après... Vous avez parlé des pommes, je vois qu'il y a aussi les poires et les prunes, alors oui. En moins grande quantité. Alors, tout à fait. C'était histoire d'avoir un petit peu un dérivatif à côté. Alors, les poires, on a des variétés comme ce que les gens aiment bien, c'est la poire rissole. Ah, celle-là. Alors, c'est les poires d'hiver. C'est les poires d'hiver, ah ouais, ben oui. Ouais. La poire rissole, c'est une poire que beaucoup de gens nous demandent. Mais il faut savoir qu'une poire rissole, quand vous la plantez, avant de récupérer, récupérer des fruits, il faut compter 5, voire 6 ans. Ah oui. Puis même quand ça donne beaucoup, c'est une dizaine d'années. Ça pousse tout doucement, les poires rissoles. Mais vous avez les poires rissoles, il y a plusieurs variétés, oui, variétés, mais surtout, ça vient de villages différents. C'est très savoyard, les poires rissoles. C'est pas, ouais, il n'y en a pas une qui est pareille. Non, vous avez la poire de... Vous avez la... Il y a 2-3 villages dans la Haute-Savoie. Bien sûr, je ne vais pas me rappeler des noms maintenant. C'est pas grave. Il y en a une qui est très... Spécifique. Très spécifique. Ah non, je n'arrive pas à me rappeler. ça va revenir. Enfin bref, il y a plusieurs variétés. Et puis il y a la poire anglaise, il y a la poire... vous avez une variété qui vient très tôt l'été, qui s'appelle la Viam, que vous connaissez. Oui. On a la Viam, on a la Guyot. Et puis maintenant, il y a une nouvelle variété qu'on a trouvée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle la précoce de Trévoux. De Trévoux. De Trévoux, qui est au bout du département. Et c'est une variété qui ressemble un petit peu à la Guyot et à la Viam, qui est très hâtive, mais qui est délicieuse. Qui est délicieuse. Moi, je peux vous en parler. J'en ai planté un chez moi. Et il faut voir comme il donne. Et on ramasse des poires au mois de septembre. Ouais. Mais elles sont délicieuses. Donc, il y a un tas de variétés comme ça. Il y a aussi les variétés, les grosses variétés anciennes, là, les grosses qui s'appelaient, j'arrive pas à me rappeler du nom, mais enfin bref, il y a... La poire curée. La poire curée, et puis une autre variété, une grosse aussi, oui, la poire curée, oui. Mais on conserve toutes ces variétés, vous voyez. Donc on fait des greffes, et quand on voit qu'on n'en a plus, ben on en greffe ou on va en chercher ailleurs. On est toujours en train de rechercher, vous voyez. Cette année, il a greffé une cinquantaine d'arbres. Ah ouais. Hein, et c'est toutes les variétés qui viennent de la région. Et les tuteurs, vous les procurez comment? Est-ce que vous allez en chercher dans la nature, non, par exemple? Non, les tuteurs, on les achète parce qu'il faut des tuteurs assez solides. Ouais. On a souvent des problèmes parce que le vent nous pousse les arbres du côté où le vent souffle. Ouais, le vent souffle. Et cette année, on a mis pas mal de tuteurs. Donc, il faut acheter des bons tuteurs, vous voyez. On les achète dans les jardineries ou dans des magasins spécialisés, quoi. Oui, parce que des fois, moi, je me suis amusé à mettre des pépins. Ça pousse, l'arbre. Hein. Enfin, l'arbre, ce qu'on peut appeler un arbre, oui. Non, c'est ce qu'on appelle un franc. Oui, mais ça ne devient rien. Un pépin, on appelle ça un franc. Ouais. Et ça devient un porte-greffe. Voilà. Ça devient un porte-greffe. Alors, nous, les porte-greffes, on essaye Donc, il faut greffer ce... Oui. Autrement, c'est un pommier sauvage. Il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Vous mettez un pépin et ça ne redeviendra jamais la variété que vous avez choisie. C'est un sauvageon. Hein. C'est sur un sauvageon qu'on fait des fois des bons pommiers quand on greffe le bon greffon. Quoi. Et alors, je vais vous poser peut-être... non, pas une colle. C'est pas une colle parce que... Moi, une fois, j'avais greffé un pêcher de vigne. Il y a une branche qui a poussé et l'autre qui a séché. Le pêcher de vigne ne se greffe pas. Bah, le pêche de vigne, c'était à l'état sauvage, c'est là où ils sont les meilleurs. Oui, mais justement, celle que j'ai mise, elle a séché. Et il est resté l'autre branche. Resté le sauvage. J'ai une branche qui est normale. C'est ce que je vous dis. Où il y a des feuilles, et puis l'autre, elle est complètement sèche. Je ne suis pas un spécialiste de la pêche et de l'abricot. Oui, mais c'est une question. J'ai des pêches de vigne chez moi. Surtout, là, vous semez un noyau et vous laissez pousser. Et vous le plantez, et puis après, ça donne énormément. Ah ouais. Mais il faut sans arrêt les renouveler parce que ça dure pas longtemps. Ça n'a pas une durée de vie très longue. D'accord. On va dire 10 ans maximum. Mais pendant 10 ans... Il faut que je me dépêche, alors. Ouais, mais... On n'a pas évoqué les prunes aussi. On a parlé de la pomme, de la poire, de la prune quelques pruniers. On a quelques variétés, pourquoi on garde des pruniers? C'est parce qu'on a une dame qui nous fait des pots de confiture. Parce qu'on va vendre aussi des pots de confiture dimanche. Alors, elle aime bien avoir des prunes pour faire de la confiture. Donc, elle vient les chercher chez nous. Et c'est pour ça aussi qu'on a des pruniers. Tiens, une question, puisque vous évoquez ça... La confiture, vous ne faites pas de la confiture de pommes? Elle se fait, la confiture non, de pommes? On ne fait pas de confiture non, de mais pommes. Elle se fait ou elle et se fait? Et certainement qu'elle se fait, oui. Ah, ouais. Mais nous, elle fait de la groseille, elle fait de toutes les framboises et tout ce qu'elle peut trouver comme fruit. Alors, je vais vous dire quelque chose, moi. Il y a une dame, on en parlait l'autre jour, justement, parce qu'elle est passée à la maison, puis j'étais en train de ramasser les pommes. « Oh, dis donc, elles sont bien belles, tes pommes. Tu m'en donnes quelques-unes, je vais faire de la confiture. » Moi, je l'ai regardé. La confiture, moi, je fais pas mal de confiture de pêche. Je fais de pêche, de figues, de mirabelles aussi, parce que j'ai un mirabelle. De coin, malheureusement, j'en ai pas. C'est bon, la confiture. J'ai pas le coin. J'ai pas de coin. Très, très bon. Puis la gelée, les deux. Et alors, je lui dis, mais on fait de la confiture de pommes. Je lui dis, mais bien sûr. Puis alors, moi, elle me dit, tu sais pas, je la mélange avec la rhubarbe. Elle m'a dit pour la lier. Ouais. Oui, oui, j'ai entendu dire, oui. Faut que j'essaye. Alors, nous, notre faiseuse de confiture, la dame qui s'occupe de faire les pots de confiture, ne fait pas de pommes parce qu'elle dit qu'il n'y a pas assez de goût. D'accord. Mais en la mélangeant avec de la rhubarbe, ouais. Je suis sûr que ça a du goût. Je vais lui proposer. Je leur ai fait une découverte. Non, mais tout est découverte, hein, monsieur. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout bien est découverte, hein. On est, quand on travaille dans la nature, on est apprenti tous les matins. C'est vrai. Tous les matins, il faut le savoir, ça. Et c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. On peut visiter, vous l'avez dit, hein, je crois. Oui, oui, il y a des visites qui sont organisées votre, bien sûr, bien dans sûr. Votre verger. Vous l'avez sur demande, jours. Sur demande, ah, parce sur que demande. On n'est pas des permanents à temps complet. D'accord. Après la fête, les gens vont un petit peu se relâcher parce que ça fait un mois, ils sont là tous les normal, jours. Normal, normal. Mais je veux dire, si quelqu'un veut venir visiter votre verger, il peut vous appeler, il peut venir. Alors, il y a des journées patrimoine, il y a des journées découvertes, il y a plusieurs journées dans l'année où c'est ouvert. Et comme la journée patrimoine, la dernière qu'on a eue, où il y a eu le patrimoine national français, on a eu, sur deux jours, on a eu une centaine de personnes qui sont venues découvrir le verger, vous voyez. Et puis comme dimanche, alors le dimanche, les gens se promènent dans le verger. Là, il y a une grande, grande découverte, là. Une grande découverte, et quand il fait beau, c'est joli parce que les gamins s'amusent sous les pommiers. Et une année, c'est pas l'année passée, mais il y a deux ans, il faisait très chaud. Il y avait des amoureux sous les pommiers. Oh, c'était joli, ça. Ah. Quel charme. C'est joli. Ils font comme le Jacques, ils croquent la pomme. Ils croquent la pomme. Non, je crois pas qu'ils croquent la pomme, mais ils se racontaient fleurettes, on va dire. Pierre, vous nous disiez tout à l'heure, on a accueilli jusqu'à 2000 visiteurs certaines années. Plus d'en accueillir, c'est pas possible. C'est énorme, 2000 visiteurs. Sauf que ça s'étale peut-être dans la journée. Il y a tout un roulement, oui, oui. Oui. Mais quand même, 2000, c'est... C'est ce qu'on avait compté, c'est surtout l'année dernière, oui. Où il a fait très, très beau. Et les gens sont avides de venir au verger. Parce que, il y a 10 ans en arrière, on ne faisait pas comme ça. On faisait visiter le verger le samedi après-midi. Et le dimanche, on faisait la fête à la salle des fêtes de Poron, ce qu'on appelle la salle Champfontaine. Il fallait tout monter, le matériel. La collection, le pressoir, les caisses de pommes, les bouteilles et tout. Et un jour, on a dit non. C'est du turbin. C'est trop de travail. On va s'organiser autrement. Donc, on a fait une plateforme goudronnée. Et dessus, on a acheté un immense chapiteau. Les repas se passent sous le chapiteau, qui est fermé par grand froid. Oui. Et il y a un tas de petites unités de chapiteaux plus petits pour la vente de la pomme. Pour la dégustation, parce qu'il y a quelqu'un qui fait déguster, qui fait découvrir les variétés. Pour la vente de miel, il y a un marchand de miel qui vient et qui fait découvrir son miel et ses abeilles. Pour la vente de jus, pour la vente des confitures. Et cette année, on a un chapiteau nouveau, ça sera pour la conférence. Avant, elle se faisait dans notre salle de réunion, mais elle devient trop petite. Donc cette année, on a un chapiteau. Alors tous ces chapiteaux nous sont prêtés par le comité des fêtes de Poron. Comme nous sommes association de Poron, le comité des fêtes dont on fait partie nous prête tout le matériel. Gracieusement. Oui, parce que un chapiteau, ça vaut de l'argent. Hein. Oui. Nous, on en fait très attention. Ouais. Philippe, qui est à côté de moi, s'occupe de ça. Et on a tout le matériel, les bancs, les tables et tout. Mais alors, il faut aller chercher, il faut y ramener. Ah, ça, enfin, c'est... là, oui. On n'a rien sans rien. Ce n'est qu'un demi-mal. Ce n'est qu'un demi-mal. Ouais. Mais donc, c'est pour vous dire qu'on tenait à ce que la fête se fasse sur le verger. C'est la fête du verger Tiocan, ce n'est pas la fête de l'extérieur. Donc maintenant, alors bien sûr, une salle des fêtes, c'est du dur, on était à l'abri, mais là, on est tellement mieux de... On reste dans la nature, c'est, là. Exactement. Et puis, on est sur le site du verger. Ça, c'est très important. Comme ça, la fête, elle se passe là. Il y a un gâteau d'anniversaire, là, dimanche. Alors dimanche, il y aura un apéritif d'anniversaire. où les élus, bien sûr, sont conviés, où tous les anciens sont conviés et tous les gens qui sont là sont conviés. Alors, Pierre, juste une question concernant, donc ça fait 30 ans maintenant, 30 ans, il y a 30 ans, c'était pas tout à fait comme ça, ce verger de Chocan. L'esprit était le même. Oui. Est-ce que dans 30 ans, l'esprit sera le même? C'est pas une question piège, Pierre, mais on se dit, on va essayer de transmettre ce patrimoine et il faut absolument que ça reste comme ça. Alors, vous voyez, moi, depuis que je suis là depuis 2001, j'ai vu évoluer le verger en 10 ans, en 17 ans. Évoluer le verger, j'ai vu arriver des gens nouveaux et il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont malheureusement partis décédés. Et je trouve que, non, l'esprit est toujours le même, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, mais moi je trouve que je suis optimiste, moi, pour le verger. Il y aura toujours des gens qui ont besoin de se ressourcer dans la nature. Et il y a des gens qui disent, le jour où il y a une dame qui est venue nous aider, je viens au verger parce que j'aime bien le verger. Donc, vous voyez... Pierre. ça y est, ça m'a coupé le... Est-ce que vous n'avez pas peur? Parce que vous faites partie d'une génération... descendante. oui, enfin, ça non, dépend. Mais, non, mais elle n'est pas descendante. Vous montez là pour le moment. Donc, tant qu'on monte, c'est bon. Après, oui, mais on baisse et on descend. Oui, mais est-ce que la motivation va être la même? Il a raison, Robert, de poser cette question. Hein, parce que moi, je crois que c'est fondamental pour essayer de garder. Parce que vous avez gardé, vous deux qui êtes là, vous avez gardé cet esprit d'ancien. Hein, vous essayez de le transmettre. Mais vous avez vécu des choses que ceux qui vont apprendre aujourd'hui n'auront pas vécues. Ils auront vécu par rapport à ce que vous leur aurez appris. Oui, mais regardez, moi, je n'ai pas participé à la création du verger. Mais votre métier, c'était le métier de la terre. Justement, c'était le métier de la terre. Voilà, oui, peut-être. Il y a quelque chose. Mais il y a des gens qui viennent de... maintenant, il n'est plus vice-président, mais il y a un monsieur, il était garagiste. Il est vraiment... Oui, c'est lui qui est responsable de tout le matériel, de tous les travaux. Il y en a un autre, il travaillait dans l'aviation à Genève, à l'aéroport. Oui, il est là. Et ils sont vraiment... Ils mouillent la chemise, ces gens-là. Donc, on trouvera toujours des gens motivés. Est-ce que la motivation sera la même? Ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que moi, je suis très optimiste. C'est bien d'être optimiste. Je suis très optimiste, mais... Moi, un jour ou l'autre, je ne serai plus là, hein, bien sûr. Même si je ne suis pas décédé, je ne pourrai pas continuer comme maintenant. Donc, je passerai la main à un autre président. Je passerai la main à des gens qui sont plus jeunes que moi et qui vont continuer. J'espère qu'ils continueront de mettre cette motivation comme j'ai essayé de le mettre, quoi. Je suis optimiste. Oui. C'est ce que vous allez faire ressentir demain à l'occasion de cette fête et de ce 30e anniversaire? Oui, ben moi je le fais ressentir tous les jours. Oui, bien sûr, mais là c'est tous les jours. Oui, mais là ça va être vous allez mettre les phares à plein phare demain. Il va y avoir des gens qui sont devant vous. Il y aura le discours d'anniversaire. Enfin, sais-je. Il y a des messages à faire passer. Les politiques sont là. Mais chaque fois que je fais un petit mot pour décrire le verger ou pour remercier les gens qui sont là, je fais toujours passer le message que on est une association. Pas une bande de copains, mais presque. Moi, je leur ai dit, quand j'ai pris la présidence, je serai le président de tout le monde et je ne suis pas plus, à haut de l'échelle que vous. Hein. Moi, je suis tous au même niveau. Je pense qu'il faut que la relation, elle passe. Je pense que... Moi, je suis optimiste, moi, pour l'avenir. Mais j'ai toujours été optimiste, comme je le répète et comme je le dis. Et j'ai confiance. J'ai confiance. Oui. C'est marrant, hein, vous n'avez pas les mêmes propos, la même tonalité que chez certains présidents qui disent il y a une crise du bénévolat. On a l'impression qu'au Verger de Chocan, il n'y a pas de crise de bénévolat. Pas vraiment. Écoutez, il y a certainement des gens qui se fatiguent. J'en suis certain, ça. Il y en a qui disent, oh là là, je pense qu'on pourra tenir et tout. Mais ça, c'est les pessimistes. On peut s'en sortir. Si on veut faire quelque chose, il faut avoir le feu sacré. Il faut avoir la niaque. Il faut avoir l'envie de faire quelque chose. Moi, je crois que si on a l'envie, on fait passer un message. Mais l'avenir me le dira peut-être différemment, je ne sais pas. Il faut avoir l'envie de bien faire les choses, mais il faut aussi aimer ce qu'on fait. Moi, je suis amoureux de ce que je fais. Oui, mais c'est normal. Vous êtes né de la terre. Oui. Donc forcément, vous aimez la terre. Et ça, vous, personne ne vous enlèvera cette, cette motivation. Absolument. Un paysan, ça, pardon, c'est pas péjoratif, paysan. Ah, hein, moi, c'est, je suis très heureux d'être appelé paysan. Mais un paysan, c'est quelqu'un qui aime sa terre. Faut qu'est-ce pas... que c'est qu'un paysan? C'est quelqu'un du pays. Ah oui, ah, ben, tout à fait, oui, hein? tout à fait. Comme disait Anne-Marie Prodon, j'ai appris l'école derrière la queue des vaches. Ben oui, c'était une paysanne, là, Anne-Marie, aussi une précurseur de... C'est pas ah, vrai. C'était votre belle-sœur. Alors moi, elle en a écrit. Hein. Ouais. Si, c'était la sœur de ma femme. Si je peux me permettre, moi, c'est une femme que j'adore, Anne-Marie. J'ai travaillé avec elle. Bon, ça fait pas partie de ça, mais puisqu'on en parle, elle venait toujours vendre ses livres à la SADAG, et puis à Bellegarde. Au Berger. Elle, oui, au Berger. Je l'invitais. Mais elle les imprimait à la SADAG. Oui, oui, à la SADAG. Oui. Donc moi, j'étais le gardien de ses livres. Allez. Ouais. Ah. Oui. J'étais le gardien de ses livres. Elle est partie très vite. Hein. Ah, elle est partie très vite. Ouais. On est allé l'accompagner, justement. Oui. Bon, voilà. Donc, les gens de la Terre. Ouais. Voilà. Les gens de la Terre. Écrit un livre, Les gens de la Terre. Ah oui, Les gens de la Terre. Eh oui. Donc, pour en revenir à notre fête, on va peut-être parler un petit peu du programme. Allez, oui, bien sûr. Oui. Philippe, je te laisse faire. Approchez. Il faut s'approcher un peu du micro, parce que sinon, on ne va pas voir... Ce sera à Greny, à Péron. De 10h à 18h. Alors, il y aura la visite du verger, il y aura les découvertes de la collection de fruits du verger Tiocan, il y aura une exposition de réalisation d'enfants des écoles sur le thème « Dessine-moi un jardin écologique », parce qu'on est associé avec certaines écoles. Et il y aura l'exposition du syndicat intercommunal du VUH, « La pomme dans l'histoire » d'Adam et Ève à Apple. Avec lequel nous sommes en partenariat aussi. Oui. D'accord. En passant par Guillaume Tell, Hercule, Isaac Newton et Blanche-Neige. Bon, il y aura la pressée, la vente de jus de frais pasteurisés. Et puis, vente de fruits, de confitures et autres produits du verger. Dégustation. Vente de miel. On a un gars qui nous met des ruches lors de la floraison. Et donc, il vend son miel pendant la fête. Un apiculteur de Thoiry. D'accord. Et puis donc, si vous voulez savoir quels sont vos fruits, il y aura des gens qui s'occuperont de la détermination des fruits. Bon, puis il y a des animations pour les enfants avec des jeux de bois toute la journée. À midi, il y aura notre fameux repas à boudin aux pommes avec fromage, dessert et café. Pas de réservation. Formule enfant pour vos petits. Animation musicale de 11h à 16h. Et puis vers 15h, il y aura les contes à balader à travers le verger, tout public, avec une dame, Dominique Gigi, qui a des contes fantastiques. À 16h, il y aura la conférence sur la permaculture, animée par Timothée Janota de l'association Colibri. C'est une association qui est initiée par la philosophie de Pierre Rabhi. Et il y aura des ateliers pratiques animés par le collectif Permabondance, démarrer un potager sans travail du sol et cultiver en imitant la nature grâce aux cultures multi-étagées. Voilà, c'est le programme de la journée. Sacré programme. C'est pas mal. Et donc, je rajoute un truc. Pour les petits, il y a une dame qui vient avec trois petits ânes et qui promène dans tout le verger avec ses petits ânes. Ça, c'est pris d'assaut. Hein. Ma petite fille m'a dit cette année, il avait passé, je n'ai pas eu. J'ai pas pu monter. Il y a la queue là. Donc c'est une animation supplémentaire. Ouais. Et comme tout le monde y retrouve son compte, voyez. Et ce que vient de dire Philippe au sujet des écoles, on demande à toutes les écoles du pays de Gex et du bassin là, de participer, que les enfants participent un petit peu à cette fête. Et on leur donne un thème et ils construisent des sujets. Et cette année, le thème, c'est « Dessine-moi un jardin écologique ». Donc, on reste dans l'écologie, vous voyez. Et alors, les gamins, ils font... L'année passée, c'était le thème sur les insectes, un petit peu, les épouvantails, tout ce qu'on trouve dans les... Et ils avaient fait des... Il y en avait... Alors, après, on les disperse dans le verger. Avec les œuvres. Mais il y en avait beaucoup, hein. Alors, cette année, il y a déjà 2-3 écoles qui nous ont répondu. Puis, il y en a d'autres qui viennent au dernier moment et qui amènent des œuvres des enfants. Bon, ils sont récompensés par des... On leur achète des livres, on les récompense, quoi. On les encourage. Parce que on travaille aussi un petit peu avec les écoles. Hein. On n'en a pas parlé on encore. On fait de la pédagogie. On fait de la pédagogie. Il y a 2 ans, nous avons planté une haie bocagère. Nous avons planté, les enfants ont planté une haie bocagère. C'est-à-dire les 6e du collège de l'école de Poron et les... Non, du collège de Poron. Ils sont, les 6e, ils sont au collège, oui, excuse-moi. Et puis l'année où les CM2... C'était en même temps. C'était en même temps. Donc, alors il y avait tous les gamins qui sont venus encadrés par leurs professeurs et leurs instituteurs. Et c'est eux qui ont fait les trous, qui ont planté des arbres. On leur avait fourni des arbres et tout. Et ils ont passé la journée. Et on a appris aux enfants ce que c'était que de planter un arbre. Bien sûr, on les a aidés, on était là pour ça. Et puis l'année suivante, on leur a demandé de revenir pour voir un petit peu leur travail. Il y avait de l'herbe déjà. Il y avait ci, il y avait là. Donc... parce qu'on a souvent des demandes des écoles qui veulent venir visiter le verger. Alors, il faut trouver les bénévoles qui soient disponibles aussi et tout. Sure. Quand vous avez 40 gamins qui viennent, surtout s'ils sont petits, mais il y a des dames qui font ça et qui font ça très très bien. Donc, on essaye de faire passer des messages aux enfants, de savoir que les pommes, ça ne se trouve pas qu'à la Migros. Hein. Moi, je dis la Migros parce que je parle du Pays de Gex. Oui, hein. Mais ça ne se trouve pas que dans une grande surface. Chauvin, c'est normal. Oui, je suis du Pays de Gex. Mais eh oui. Non, mais ça se trouve... Ah, on le dit toujours comme ça. Ça ne se trouve pas que dans les grandes surfaces. Et les enfants, ils sont très, très curieux de les couvrir. Très, très curieux. On a des petits pressoirs. On leur apprend à presser. On leur apprend... Et ça, c'est toute une pédagogie. Et qui un jour nous fera des futurs bénévoles. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc vous voyez, la relève, elle est là aussi. Oui, hein. La relève, elle est là. Ouais. Pierre, jamais il ne vous est arrivé de penser à vous et votre équipe, hein, à un album photo, voire pourquoi pas un petit bouquin qui retracerait les 30 ans de... Est-ce que ça a germé quelque part, ça, ou pas? Alors, c'est compliqué, c'est du boulot. C'est du boulot. Alors, cette année, on a fait donc une petite plaquette qu'on a distribuée d'abord aux élus, puis après à tout le public. Mais on a déjà fait un film sur le verger. Et ce film, on l'a passé en boucle à plusieurs assemblées générales. Qui dure 22 minutes. Oui, et que vous pouvez trouver sur notre site du Verger Thiocan. Vous avez un site? Oui, on a un site, il est là-dessus. Mmh. Et on a fait donc un film qui retrace un peu le verger. Mais ça, on l'avait fait pour l'occasion des 25 ans. Et on n'a pas souhaité le refaire pour les 30 ans, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement aussi, parce qu'on a fait faire un professionnel. Mais pour les 30 ans, on n'a fait qu'une plaquette. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors, on ne peut pas tout faire non plus sans arrêt comme ça. Pour les 25 ans, on avait invité tous les anciens à manger, tout, on avait fait un gros truc. 5 ans plus tard, on ne pouvait pas refaire la même chose. Voyez. Voilà. Mais un livre, si, ça m'est venu. J'ai eu l'idée de faire un livre. Mais c'est du boulot. Ça demande des bénévoles qui s'impliquent. Alors, qui c'est qui veut faire ça? Personne ne lève la main. Hein. Bon. Là, vous êtes défaitiste. Hein. Là, je suis défaitiste, oui. Oui, parce que si on ne pousse pas les gens, ils ne lèvent pas la main. Ouais, j'ai rien contre eux, au contraire. Hein, non, au bien contraire. Sûr, mais bien sûr. Par contre, on a des petites anecdotes qu'on peut citer. Là, j'en ai une sous les yeux. Il y a une pomme qui s'appelle Macintosh. Macintosh. Oui. Vous savez ce que c'est, Macintosh? Oui, hein. C'est... moi, je vais vous lire ce que j'ai vu. Le projet Macintosh débute à la fin des années 1970. Jeff Raskin, employé d'Apple depuis 1978, avait dans l'idée de créer un ordinateur simple dont l'utilisation est peu chère et donc accessible aux consommateurs moyens. Il présente son idée à Mick Markula, l'un des 3 fondateurs d'Apple. Computé en mars 78, celui-ci donne son feu vert en septembre 1979 pour embaucher quelques personnes et monter une équipe. Bon, ça, c'est l'historique. Hein. Le projet qui porte le nom de Macintosh, du nom de la pomme préférée du créateur qui s'appelait M. Raskin. Ça, j'en reviens pas. La Macintosh. Alors, ça ne s'écrit pas tout à fait comme le Macintosh. Ah ouais. Ça s'écrit M-A-C-I-N-T-O-S-H. Et nous l'avons au verger. Et, vous voilà, et nous, on l'a aubergé. Voilà l'historique de la pomme qui vient de... Et elle est branchée sur Internet ? Bien, absolument, c'est pour ça qu'on a un site. Voilà. On a, donc il y a le site, on peut retrouver tout, bon, bien sûr tout le programme de cette fête qui a lieu dimanche, donc la fête de la pomme, les 30 ans. Il y a tout sur le site, ouais. Il y a tout sur le site, absolument. Ah, d'accord. Il y a tout sur le site et puis il y a des pancartes qui sont installées vendredi parce qu'on ne peut pas les installer trop tôt. Il y en a déjà qui sont installées, n'est-ce pas ouais, elles sont installées depuis vendredi, vous voulez dire. Oui, voilà. Il y en a déjà depuis vendredi. Ouais, mais les petites bornes, parce que cette année, les gens qui vont venir au verger, je donne des détails pratiques. Nous avons un chemin pour aller au verger qui descend vers la ferme des Sauvages, qui tourne à droite et qui arrive au verger. Puis ce n'est pas un cul-de-sac, mais pas loin. Mais pour ressortir, il faut repartir par le même chemin. Qui est très étroit. Et l'année passée, il y a eu des gros problèmes de circulation. La gendarmerie et la mairie de Peron m'ont demandé de trouver une autre solution. Donc, avec plusieurs de mes collègues, on a fait un sens unique qui ressortir. Les gens qui viennent, on a un immense pré pour garer, repartiront par la route qui longe la 2x2 voies. D'accord. Et qui atterrit. Ah oui. Et qui atterrit vers le marchand de matériel agricole qui s'appelle la Dima. Et là, il y a un stop et tout, donc les gens pourront sortir. Il y a une partie qui n'est pas goudronnée. Enfin, les gens qui vont en montagne, ils ont l'habitude. Et c'est très, très bien. Il n'y a pas de trou. Hein. On a essayé plusieurs fois. Donc, on a eu l'accord de la mairie, puisque ça appartient à la mairie. Ce matin, j'ai encore eu la gendarmerie qui est venue voir, donc tout va bien. Et donc, il n'y aura pas de problème. Donc, les gens peuvent venir sans souci. Sans souci. Une fois qu'ils sont garés, ils repartent dans le temps. Ouais, ouais. Voilà. Donc, on a été obligé de faire des modifications par rapport aux autres années. Voilà. On a fait le tour ? Ben, je crois qu'on a fait le tour. Je souhaite à tout le monde de profiter d'une belle journée dimanche et puis de venir nombreux pour nous rencontrer et on sera heureux de leur faire visiter notre verger, nos installations et notre verger. Voilà. Merci Pierre, merci. Monsieur le vice-président, donc Pierre Guillet et Philippe Régnier, rendez-vous donc au Verger Tiocan ce dimanche pour un joli, joli, joli, joli programme et de belles dégustations en vue. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci bien. C'est un bonheur de parler nature sur cette antenne. Ah, tout à fait, tout à fait, parce qu'on vit dans la nature d'ailleurs. On est entouré de montagnes, on est entouré de paysages, un paysage magnifique. Plein de gens, plein de monde nous l'envie ce paysage, puisque toutes celles et tous ceux qui viennent dans ce bassin de vie se disent émerveillés par le Sorgia, par le Fort-l'Écluse, enfin par tout ce qui fait que voilà, c'est... Et puis attendez. On est un pays rural. Il n'y a que des paysans tout autour. Et oui. Et on a, donc, et on a besoin de la nature. Et la terre, on en a besoin. On en a besoin de la terre et de la nature. Il y a un retour à la nature et je le sens très fort, moi. Eh ben oui. Je le sens très fort. C'est eh ben, si. J'espère que vous sentez bien. En tout cas, bon courage à vous et toute votre équipe. Merci d'être venu nous parler de ce verger et de ses 30 ans et de cette fête de la pomme dimanche 7 octobre. À très bientôt sur cette antenne. Merci encore. Merci. Merci bien.